Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui, l'émission recevra un autre membre de la Luitre pour faire une improvisation mixte ensemble. Laure Concentré sera là pour sa chronique d'actualité voyage au centre du campus et Maxime Tanguay pour J'ai-tu le temps pour une chronique. Assemblage requis commence maintenant. J'étais pas prêt pour ça. Mais eux sont prêts. Toi, t'es prêt? Qui est prêt? Jean-Philippe Charbonneau est prêt. Mathieu Plante aussi, quand même. Merci. Et vous aussi, les requins, vous êtes prêts pour notre semaine d'assemblage requis qui débute à l'instant parce qu'on est en direct en ce lundi 7 octobre 2013 à 7h32 minutes. Pile. Ben, tapin. Voilà. Donc, passez une belle fin de semaine, JP. Très reposante. Oui, en moins. Oui. Ah, OK. Moi, non, c'était quand même assez mouvementé. Petite fête à célébrer en fin de semaine. Puis c'était le fun. Ah, ben c'est le fun. C'est cool. Ben ouais. Ouais. Moi, je suis allé porter mon auto au garage. Fun. À Montréal. OK. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai eu plein d'affaires. Bon. Beaucoup trop d'affaires pour faire l'énumération. C'est ça. C'est comme les affaires qu'il y a aussi dans nos nouveaux bureaux, les problèmes à régler aujourd'hui. Donc, ça va être une belle semaine qui commence et on vous encourage. Force. Oui, c'est ça. À persévérer jusqu'à la fin. Il ne reste que 5 jours. Donc, aujourd'hui à l'émission, on a bien sûr la chronique de la Luitre. Oui. Avec un autre joueur qu'on va recevoir et qu'on ne sait pas encore c'est qui. On va apprendre à connaître cette petite bête-là et l'apprivoiser. J'ai de la bouffe à chien. Oui, ça les intéresse. Moi, j'ai dit la petite bouffe à colibri, là. Okay. De l'eau sucrée. Fancy. Ensuite de ça, ça c'est à 8h, premièrement. À 8h30, on aura Laurent Constantin, sa chronique voyage au centre du campus. C'est la chronique où, évidemment, il nous fait une chronique éditoriale un petit peu sur l'actualité du campus, en lien avec sa chronique dans Zone Campus. Par contre, là, on est dans la semaine... On est dans la semaine morte. C'est ça. Donc, ce sera d'autres sujets qu'il n'a pas encore explorés. Et puis, à 9h, Maxime Tanguay et J'ai-tu le temps pour une chronique. Ça, c'est de la musique pour étudier. Oui. Ça le dit. Ben oui. J'étude. Parait pas. Lisez. Voyons le script de la radio, là, ben l'émission. Oui. Allez vous chercher ça, c'est Torrent. Là. Oui. Voilà. On peut tout avoir. Tout est là. Donc voilà pour ce début d'émission. Pourquoi pas. Allons-y en musique. Oui. Avec un classique pour se réveiller. Ah. Parce que ça commence tranquillement. C'est bon. C'est bon. Voici Braids et Fruend sur C'est fou. 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. Non, je vais me réveiller, moi. Petit étirement. Ah! Pas facile. J'ai les yeux collés. Ah! Ou c'est le nez? Oh, le nez collé. Thank you. C'est Braids. Avec Fruend. Oh, merci. Ben de rien. Parce que, tu sais, mon accent, j'aurais dit Fruend. Fruend? Fruand. Fruand. Fruand. Fruandise. Ben, tu sais, nous, on est comme des... on est comme des pédophiles. qui donnent... Je me dis si tout de suite, c'est ça. Qui donnent des friandises. Ah oui. Sauf qu'à la place, on donne des faits. Voici, c'est un fait. Douteux. Très douteux. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables d'assemblage requis. Et bien sûr, on essaie, toi et moi, Jean-Philippe, d'en apprendre le plus possible dans le moins de temps possible. Oui. Parce qu'on n'est pas des cheap, nous autres, là. Non, faut que ce soit quick. Quickie, quickie edition, mais évidemment, c'est ça, il n'y a pas de détails, mais ça reste quand même une variété, une panoplie de faits. Sais-tu ce que c'est un tout garouk? Tout garouk. Ça, c'est quand tu prends un pita. OK. Libanais. Oui. Puis tu prends tout garni. Tout garouk. Tout garouk. Tout garouk, j'aime ça. Ça, c'est si tu prends un coupon dans la zone campus. Ouais, c'est ça, exactement. Et que tu vas chez Il Teouk sur le boulevard des Forges. Voilà. Prendre une assiette ou un trio. Voilà. Voilà. Non, en fait, tout garouk, c'est une personne qui retweet sur Twitter des bons commentaires à son propre sujet. Ah, okay. Tu sais, mettons, il va chercher des commentaires, ceux qui parlent de lui-même, oui. Puis il retweet. Tu sais, mettons que quelqu'un tweeterait genre « Waouh, quelle belle émission d'assemblage requis », nous on ferait « Wouhou! » Puis on retweet. On serait tout garouk, qui est un mot australien de la tribu Bunurong. C'est une tribu indigène et ça veut dire la place où les grenouilles font leur bruit. Comment t'appelles ça? Une grenouille qui croisse. La place où les grenouilles croissent. Mm-hmm. C'est ce que ça veut dire tout garouk. Tout garouk. Donc, tout le monde, le grenouille l'un bas puis l'autre. maintenant, le mot macroverbum scioliste. Macroverbum scioliste. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Macro, c'est un poisson. Okay. Verbo, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Fait que c'est un poisson qui parle. Puis qui prend du Cialis. Qui a beaucoup de poils partout, oui. C'est ça. Non, ça, c'est pour la dysfonction érectile, je pense. Oui, hein? C'est ça, exact. T'allais pas me corriger pour pas avoir l'air du gars qui sait ce que c'est du Cialis. Oui, c'est ça. C'est un ami qui m'en a parlé. Moi, t'as très bien réussi. C'est quelqu'un qui fait semblant de connaître un mot et puis qui, en secret, va chercher sur Internet pour voir ce que c'est. Ah, wow! Macroverbum scioliste. On dirait aussi une phrase magique dans Harry Potter. Un sort! Oui. Macroverbum scioliste. tu connais l'auteur Alexandre Dumas? Oui. Qui écrit toute sa fiction, tous ses livres de fiction sur du papier bleu. Sa poésie sur du papier jaune et ses articles sur du papier rose. Comme ça, il pouvait les retrouver facilement. Système de classage, toujours utile, ça. Ouais. Pas mieux que par ordre de date d'arrivée, genre, voyons. Mais non. Ou, tu sais, t'en gardes ça par ordre de couleur, là, mettons. C'est voyons, ça. les mille pattes géants de l'Amazone, d'accord, ça peuvent être aussi longs que l'avant-bras d'un homme. Wow. Ils attrapent des chauves-souris en plein vol et les mangent. C'est des mille pattes géants amazoniens. C'est fou ce qu'on trouve là-bas. Yark! Oui, il y a tout sur Amazon. Il y a tout sur Amazon. Le shipping est vite avant ça. Thomas Jefferson, l'inventeur, il a inventé la première chaise qui tourne. Tu sais, le swivel. Ah oui? Swivel. Je suis en train de swiveler sur ma chaise puis je suis bien raide. Ça va me réveiller un matin, ça. Oui. Ensuite, il s'est assis dedans pour écrire le premier brouillon de la Déclaration de l'indépendance américaine. Ah ben là, c'est quand il s'est senti libéré comme ça. 360. Je suis une chaise libérée. Oui. Une autre facile. Ouais, c'est comment ça s'appelle le swivel? Everyday swiveling. Ah! Swiveling. C'est merveilleux. 1-1. Sur les tunes. Bravo. Merci. L'Australie. Il a fait tellement chaud en Australie cette année que le bureau de la météorologie a dû ajouter deux nouvelles couleurs, le mauve et le rose, à ses cartes météorologiques. C'était trop chaud. Parce que toutes les couleurs veulent dire certaines affaires. Nous, ça veut dire qu'il y a la neige, je pense. Le rose, je sais pas si ça avait... Jaune, j'aurais dit, bon, c'est parce que quelqu'un a fait ses besoins dessus partout. Les centenaires ne reçoivent plus automatiquement un télégramme de la reine de nos jours. Il faut lui écrire pour lui en demander un, parce qu'avant, la reine t'écrivait quand t'avais 100 ans. Ah ben là, triste. Félicitations. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo. Il y a 5 fois plus de centenaires qui vivent en Grande-Bretagne aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans. C'est pour ça qu'elle l'écrit plus. Parce que ça coûte le papier. Ben oui. Surtout que ça doit être elle qui l'écrit. Sûrement. C'est ça. Elle devrait y aller en personne. Il n'y en a pas tant que ça. Là, je veux dire, à un moment donné, là. Ouais. Les inviter à dîner. C'est ça. Selon Freud, pas Fruend, la pièce de Braids, mais selon Freud, lorsque deux personnes font l'amour, il y a 4 personnes qui sont présentes. Les deux personnes qui sont en train de le faire et les deux personnes auxquelles chacune des deux personnes pense. C'est selon Freud. Oh, wow. C'est quand même direct. Ouais. Hein? On aime ça. KLM, c'est complètement anodin ici, mais KLM est la seule ligne aérienne avec les trois lettres consécutives de l'alphabet dans son nom. Ah oui? KLM, c'est les seuls qui ont trois lettres qui suivent. Ça veut absolument rien dire. KLM, mais ça... KLMNOP. Ben ouais, oui, ça marche. Ben oui. Il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas ABC, il n'y a pas BCD, il n'y a pas CD. Ben oui, ABC, ça marche. Oui, mais, ah, mais ligne aérienne. Oh. C'est ça qui rend ça absolument inutile comme oui. fait. Voyons là. Les langages afghani et tuvaluan sont les deux seuls langages avec trois lettres consécutives de l'alphabet lors de l'appellation en anglais dans leur nom, dans l'ordre consécutif. Afghani, AFG. Tuvaluan, c'est TUV. Bravo, anodin complètement. Le centre de recherche sur la dyslexie se situe à Reading, au Royaume-Uni. Reading comme lecture, le reading, reading, reading, dyslexie, lecture, on s'entend? C'est une bonne blague quand même. Oui. un autre mot à deviner, Sorento, S-O-R-R-E-N-T-O. Qu'est-ce que ça veut dire, Sorento? Ça, c'est le véhicule utilitaire de Kia. Le Kia Sorento. Ben, en fait, c'est drôle parce que j'avoue. Et aussi, c'est la petite roue. Tu sais, quand tu charges une vidéo sur YouTube, il y a une petite roue qui tourne. Là. Ah oui, un okay. symbole, c'est un Sorento. OK. Fait que tourne en rond. Fait que dès que tu fais un téléchargement et qu'il y a un truc qui tourne... C'est un Sorento. Sorento. Voilà. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est pour ça, c'est pour te dire que c'est en train de loader. Oui. Patiente, oui. Sois serein. C'est ça. Sorento. Sorento. Sorento. Sorento. Wow. Ouais. C'est tout. On essaye. Sorento ou tard, tu vas finir par ça. Oui. Battle Smear. Qu'est-ce que Battle Smear? C'est comme au lieu des bateaux, c'est des smears. Ah, ok, Smirnoff. Oui, non, c'est des Smirnoff. C'est une personne qui clique malhonnêtement sur j'ai lu les termes de ses conditions de service d'un logiciel. Donc 100% des gens. 100% des gens sont des battle smear, B-A-D-L-E-S-M-E-R. Parce que je sais pas, nous qui avons des iPhones en studio, ouais. Je sais pas si tu as lu. Toute la gang. Oui, quand c'était iOS 7 qui se mettait à jour. Non. Il y avait 74 pages. Sérieux. De trucs à accepter. Oh, come on. Ah, je te jure. Une chose qu'ils ne font pas lire par Siri. Heureusement. Voici vos conditions d'utilisation. Un autre mot, tintiddle. Tintiddle. Tintiddle. Ah, tu vois, là, je commence à manquer d'expression, mais. Tintiddle. Tintiddle. Quand tu cherches. En fait, ben, c'est un commentaire intelligent auquel tu penses alors qu'il est trop tard. Tu sais, quand tu finis une conversation, tu sors. J'aurais dû dire ça. Genre moi. Tintiddle. Genre que là, je vais faire comme « Ah oh oui, j'aurais pu dire ça. » Tu sais, tantôt, là, il y a 15 minutes, là, quand c'est... Faire des flashbacks. Plus de 1 personne sur 7 dans le monde ont joué au Monopoly dans leur vie. 1 personne sur 7. Ouais, pas pire quand même. Ouais. Jusqu'en 1910, les studios de films ne créditaient pas les acteurs à la fin des films parce qu'ils pensaient qu'ils allaient demander plus d'argent. Ah. Ah ben, fait que vous avez travaillé là-dessus pour rien dans le beurre. Ultra-crépidarien. Qu'est-ce que c'est ultra-crépidarien? Il y a beaucoup de mots aujourd'hui. Oui, ben c'est correct. Moi, ça me fait travailler. Ça, c'est quand tu mets des bûches très, très sèches dans le foyer. Ça crépite full. Ça crépite à rien, pardon. Ça crépite à rien. C'est ultra-crépidarien. C'est quelqu'un qui donne son opinion sur un sujet alors qu'il ne connaît rien à propos de ce sujet-là. OK. Par à travers son chapeau, c'est un ultra-crépidarien. Un peu ce que je viens de faire. C'est à peu près ça. Ce mot-là, là, ça a été inventé en 1970. Quand j'avais 16 ans. Quand j'étais en Allemagne. Non, c'est au Danemark, excuse-moi. Dans Radio Enfer. Au Danemark. Une étoile dans la constellation de Centaurus est faite de diamants. 10 milliards de trillions de carats. Et elle s'appelle Lucy. Non. Intéressant. Et riche. Lucy in the sky. Je pense à bien de là. Ouais, je suis sûr. Les orang-outans. Non seulement ils planifient leur voyage, leur périple d'avance, mais en plus ils peuvent dire à leurs amis où ils s'en vont. Nah. C'est fait que tu reviens avant 11h, tu me ramènes. Oui, c'est ça. Tu me ramènes. Oui. pardonnez-moi. James Bond a tué 352 personnes dans 22 films et Pierce Brosnan était le plus mortel des James Bond avec 47 personnes tuées dans GoldenEye. Un très bon film d'ailleurs. Ah oui, pour vrai. Ouais. Je connais pas. Le mot 7 en anglais, S-E-T, a 464 définitions. C'est le mot qui a le plus de définitions dans la langue anglaise. 7 préparé, un set de tennis, 7, tu sais, il y en a plein. Ouais, on se rajoute un H, 7 Rogan. 7 Rogan, exactement. Se rajoute un peu, il se fait sept. Oui. Le chiffre sept en français. Ben oui. Il nous sept. Oui. Voilà. L'odeur après la pluie est causée par un mélange d'huile, dans le fond, sur les plantes, de bactéries et d'ozone. C'est ce qui cause l'odeur de post-pluie, après la pluie, au beau temps. Las Vegas est très loin d'être la capitale du gambling dans le monde. Macau, OK, a un revenu de gambling qui est 5 fois plus gros. M-A-C-A-U, le pays de Macau. Et ben. Au Japon, la veille de Noël est une très bonne période, un très bon moment pour manger du shortcake aux fraises et du poulet frit au Japon. Ah oui? Ben oui, la veille de Noël. Pourquoi? Je sais pas. Dans 75% des maisons américaines, les femmes préfèrent s'occuper elles-mêmes de l'argent et payer les factures. 75%. Je sais pas si elles le préfèrent, mais elles le font quand même. Elles le font. Trois quarts, c'est presque un. Ah. 75%. Un dernier avant de prendre une petite pause. 1% des gens 1% des gens souffrent d'hétérochromie iridum. Qu'est-ce que c'est, hétérochromie iridum? Hétéro. Oh, oui, c'est ça. Le contraire de homo. Le contraire, oui, exactement. Hétéro... Chromia. Chromie. Ah, ça, c'est parce qu'il roule avec une auto avec des gros mags. OK, chromé. Iridum, ben... Puis il rit des autres. Oui, il rit des autres. Iridum. Iridum. De Dominique. Dominique, voilà. Bien sûr. Mais en fait, c'est une condition où un de tes yeux est brun et l'autre est bleu. Ah. Mm-hmm. Alors, on prend une pause musicale dans ce milieu de chronique pour l'entendre Keith Kuna et oui. Napalm. N'a pas le même avis sur chacun des sujets. Hein? Et retour plus de C'est un fait. ça va bien aujourd'hui. Oui. Mm-hmm. C'est Assemblage Rock. Dans les frais bocages et les herbes tendres, tes lèvres en bataille et le vent qui brode ses danses en fine cascade sur tes berges blanches. Tes étoiles du bout de la langue, le cœur en cavale sous les palmiers de tes hanches, déchirer la voile, effeuiller le temps. Perdre les pédales, déserter les rangs, semer la pagaille et sauter dans un toboggan, quitter la parade, bousiller ses chances, danser sur la table dans le théâtre qui flambe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Philippe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, là? T'es en train de tout gâcher l'émission! C'est comme dans mon bout, là, en plus. En plus, je sais pas ce qui se passe. D'après moi, là, sais-tu, si j'avais à deviner, mettons avec l'université, je dirais le réseau. Le réseau. Et c'est ma faute de ne pas avoir copié la pièce sur le bureau. Ah. Continuons avec la deuxième partie de C'est un fait. Ça m'apprendra. Donc, on était en plein milieu de C'est un fait et les chenilles ont 4000 muscles, 12 yeux et leur seule fonction dans la vie est de manger. 4000 muscles. Un beau but d'envie. Ouais. Les roux, d'accord? Les roux, les personnes à cheveux roux. Dans le fond, le gène de la roue rousseur, roussitude, est récessif et peut rester caché pendant plusieurs générations. Tu pourrais avoir des enfants qui n'auraient pas les cheveux roux, qui auraient des enfants qui n'auraient pas les cheveux roux, qui auraient des enfants qui auraient les cheveux roux. Puis boum! Boum! Malheur, malédiction. Tout, c'est tellement joli. une vieille superstition japonaise nous dit que si tu te couches après avoir mangé un repas, tu vas devenir une vache. C'est? Ah oui. Fun? Tu rumines. Oui. Tu pètes. Rumine-moi ça une deuxième portion. Oui. Okay. Matthew Broderick et John Cusack ont été choisis pour jouer le rôle de Walter White dans Breaking Bad, mais ils ont refusé. Mm. Ben. Un poisson qui s'appelle Hanako a été la propriété de plusieurs personnes pendant plusieurs années et a vécu jusqu'à l'âge de 226 ans. Il est mort en 1977. Un poisson Hanako. Pétricore. Qu'est-ce que ça veut dire, pétricore? C'est quand tu sens de l'oreille, fait que tu te pétris. tu pétris ton corps. Pétricore, c'est le terme. On a parlé il y a quelques minutes, c'était l'odeur après la pluie. Dehors. C'est joli. Hein? Ah, c'est ça encore? C'est le pétricore? Le pétricore. C'est l'odeur. L'odeur de la pluie. Le nom de l'odeur. Ce qu'on a expliqué tantôt avec les yeux des plantes, etc. Il y a un village à Wales. Wales, c'est dans quel pays? C'est pas aux Pays-Bas, ça, je crois, ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, je sais pas. Mais bref, il y a un village à Wales qui s'appelle Lanfer Pligwingli Gogiri Windrobwalansisilio Gogosh. Pardon? C'est beaucoup trop de lettres qui fonctionnent pas ensemble, mais c'est incroyable. C'est à Wales. Les noms de domaine sur Internet étaient gratuits jusqu'en 1995. Gratis. Il fallait se dépêcher. Et voilà. Ils sont tous partis, tout en même temps, presque. Il y a plus de vrai jus de citron dans le polisseur à meubles Lemon Pledge, là, ouais, que dans la limonade Country Time. Oh! Je sais pas où ils mettent dans la Country Time. En tout cas, c'est pas dans leur jus. Aïe, aïe, aïe. Il y a une loi qui s'appelle Cheeseburger Bill qui fait que c'est illégal pour les gens de poursuivre les compagnies d'aliments, dans le fond, parce que ça les a rendus obèses. Mm. C'est impossible. Cheeseburger Bill. Cheeseburger Bill. Hey, calme-toi, là. Tu en parles au gros Bill. Au gros Bill. Au gros Bill. Ajusté pour l'inflation, le salaire minimum américain a descendu de 20 % entre 1967 et 2010. Il va l'avoir monté, mais avec l'inflation, il a descendu. Il a descendu. On parle de James Bond encore une fois. Daniel Craig était le premier acteur de James Bond à avoir été né après le début de la série James Bond. Oh! Daniel Craig, le plus récent. En 1840, Henry Wadsworth Longfellow était le premier Américain à avoir fait installer de la plomberie chez lui. OK. C'est un bon investissement quand même, là. Oui. La plomberie, qu'est-ce que tu fais sans ça? Puis de là est né Mario. De là est né Mario. Et voilà. Et la craque. Et la craque. Et la craque. Au lieu de la craque. Au lieu de la craque. Betty White, tu connais l'actrice Betty White, qui a commencé sa carrière à la radio en 1930. À l'âge de 8 ans, elle jouait une orpheline adoptée dans le téléroman radio Empire Builders. Mm-hmm. Betty White, qui est maintenant une vedette américaine très en demande en ce moment. Elle est dans sa 90aine, je crois. Les membres de Coldplay, ils se sont entendus ensemble que n'importe qui utilise la drogue dure va se faire mettre de Waltz Band. Ah, d'un coup sec. D'un coup, bam, no question, va-t'en. Pink a trouvé son nom dans le film Reservoir Dogs. Il y a un personnage qui s'appelle Mr. Pink. Et puis, apparemment, que ses amis disaient qu'elle ressemblait à ce Monsieur Pink. Monsieur Pink. Je sais pas si c'est un compliment ou si c'est un compliment pour Pink ou pour le gars. Ah. On ne saura jamais. Je sais pas. J'aimerais ça aller chercher quelque chose. Mais... Reservoir Dogs, Mr. Pink. Moi, ça, l'internet marche pas, c'est ça. Ça va bien. Son vrai nom, d'ailleurs, à Pink, qui est Alicia Beth Moore. Lors des courses de chevaux, le favori gagne moins de 30 % du temps. C'est un cheval qui est favori dans la course, mais il gagne moins de 30 % du temps. Faire 5 buts ou plus dans une seule partie de la LNH a seulement été accompli 60 fois par 44 personnes. Chaque partie de baseball a 12 386 344 façons d'être jouée. Wow! Étant donné toutes les facteurs. Ouais. Ouais. Les oiseaux, je sais pas si t'as vu la vidéo, c'est un vieux vidéo, là. Un gars qui frappe la balle, puis il y a une mouette qui passe, puis ça pouf! Sérieux? Ouais. Pignata! Pittsburgh est la seule ville où toutes les équipes sportives de la région portent les mêmes couleurs, c'est le noir et or. Le noir et or. Ça, on a le rouge et or, le vert et or, le blanc et or, Tant quelque chose est or. Tant Bay Golden, number one, you know. Tellement fun. La silhouette sur le logo de la Ligue majeure de baseball, Major League Baseball, est Harmon Killebrew. Ah oui. Un joueur, là. Je me demandais si c'était un vrai, justement. Harmon Killebrew! Ou si c'était fait par un graphiste. À la main. Non, c'est ça. C'est fait par mon bon ami. Je l'appelle Harmon Killebrew. Bro. Bro. les otaries. C'est eux qui ont le poil le plus épais de tous les animaux sur Terre. Chaque otarie a environ 800 millions de poils sur son corps. Ouais, je veux pas qu'il dorme dans mon lit. Ça va être plein de poils. Est-ce qu'il va faire Movember? C'est la question. Voilà. Lorsqu'on leur donne accès illimité à des souris, les chats vont tuer 15 souris avant d'arrêter complètement parce qu'ils vont se tanner. Ah, on va maintenir la routine. Hein. Ça va faire. Hein. Plusieurs grenouilles peuvent boire et respirer à travers leur peau. Okay. Selon le Wall Street Journal, le marché du cockfighting, c'est les batailles de coqs, est très très gros. Aux Philippines, il y a 5 millions de coqs qui sont utilisés juste pour ça. 5 millions? Oui. C'est beaucoup moins gros que le nombre de chez PFK, mettons. Oui. De poulets et de piquions. Percussive maintenance. Percussive maintenance, donc, c'est si on veut la réparation par percussion. C'est l'art de frapper quelque chose pour le faire fonctionner. Donc, par exemple, tu frappes ta TV, ton radio, ton ordinateur, c'est de la... Ton téléphone. Percussive maintenance, ton téléphone, ouais. Oui, c'est ça. Super. Préparation par percussion. Par percussion. Qu'est-ce que c'est la tonsuréphobie? Tonsuréphobie ou tonsuréphobie, je sais pas. Tonsuréphobie. Tonsuré. OK. Y a tonsuréphobie. Ton sourire, non? Ben là, j'hésitais un peu. Un peu entre un mélange de tondeuse. OK. avec un bonbon sûr. Fait que ça, c'est quand t'as peur de passer la tondeuse avec quelque chose de sûr dans la bouche. Puis l'avaler, puis là, soudainement, tout ton ventre devient sûr. Ouais. Alors, c'est la peur des coupes de cheveux, ton surphobie. Oh, ouais. La peur des coupes de mais cheveux. Mais c'est pas loin, tondeuse. Pas loin, quand même. C'est rare qu'il y ait un mot en commun avec la vieillité. Pour ceux qui sont fans de drôles de fêtes, là, en date du 4 octobre dernier, c'était la journée nationale du taco. OK. Et la journée nationale de la vodka. De la vodka. Votre repas était prêt. Les deux journées, la même? C'était, oui, la même journée. Ouais, la fameuse journée taco et vodka. Il y a trop de fêtes qu'il faut qu'ils en partagent. Ouais, le burger, tout. Et avancé le 3 octobre dernier, c'était la journée nationale de l'appréciation des virus. Ah, de l'appréciation. L'appréciation des virus, comme sur l'ordinateur du co-animateur, des fois quand il y a des pop-up qui ouvrent pour rien. Ouais. Et que le réseau marche pas. Et la chronique est finie, on est content. Voilà. Je sais ce qu'on va faire, Jean-Philippe. Oui. Oui, Mathieu. On va faire quelque chose de ben fun, ben spécial. OK. On va retourner en plein milieu de Napalm, de Kid Kula, puis retourner à ça. Ah, parfait. On pourrait la recommencer. Ouais. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, moment. S'arracher le vent, entrer dans le bal et pousser son chien dans la danse. Ramper dans la vase ou dans l'excellence, reprendre la valse dans le théâtre qui flambe. Comme un long matin où tout recommence, les mêmes chemins et les mêmes numéros de chambre, les mêmes au milieu du bar, au milieu des danses, j'ouvre ma fenêtre et je contemple ton absence, balafré de toi, brûlé à l'essence, et reste en image en sirotant mes vagalances. Un autre désastre, une autre avalanche, une autre rengaine derrière les barreaux de mes manques, mes rêves minables, mes châteaux de sable et mes sentinelles qui tirent sur tout ce qui m'évade. Vodka sur le tas. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours assemblage requis en ce lundi 7 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Est-ce que t'as failli donner un coup de micro d'en face en faisant ce move-là, toi? J'ai tout le temps des petits coups de micro d'en face. Ouais, hein? T'aimes ça, par contre. Ouais. Tu fais ça parce que t'aimes ça. Tous les matins. C'est pour ça qu'on se lève le matin aussitôt pour venir animer, parce qu'on aime ça, sacrer des coups de micro d'en face. Oui. C'est mieux que l'alternative qui serait de recevoir d'autres coups de quelque chose dans le lit. Oui, c'est ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça vraiment. Hein? Ben, moi, je le sais. Oui. Je veux pas vraiment que tu ailles par là. Non, c'est ça. Ah, ben, tu sais, ça va être plus d'un bord que de l'autre. Hein, ouais. Je parle de. Là, ça n'a plus de sens de dire ça. C'est les gags. Oui, c'est ça. Tu vois qu'on n'est pas des improvisateurs. Hein? Mm-hmm. Bon, voici la chronique de la huître. Et c'est dans les coulisses de la Luître, la chronique qu'on fait toutes les semaines ici les lundis matins à Sondage Requis pour annoncer, entre autres, le spectacle qui a lieu le soir même. Le match. À la Chasse-Galerie, mais aussi pour présenter chacun des joueurs un par un. Oui. Une semaine à la fois. Comme ça, après ça, on est comme ça. Ça, c'est... Gag visuel. OK, oui, ben on dirait plus que t'essayais de faire des pets de main. Ah! Ça marche pas à cette heure-là le matin. Non, ils sont pas assez moites. Non, c'est ça. Merci. Pourtant. Donc, on reçoit aujourd'hui Élodie Mongrain. Bon matin, messieurs. Bon matin. Allô? Ça va? Ça va très bien, et vous? Ah, on va bien. Très heureux de te recevoir. T'es la troisième personne qu'on reçoit, donc on aime ça. On finit par toutes les connaître, tu sais. Ben oui. Il y a quoi, 4 par équipe? Fois 4? Plus les subs. Plus les subs. Oui. Ça fait 20. Sub. Donc, commençons par te décrire, joueuse Élodie Mongrain. Et ça, c'est Jean-Philippe qui fait ça parce qu'il est pas mal meilleur que moi pour décrire une personne. Oui, d'habitude. Sans les offusquer, évidemment. Oui. Donc, c'est quoi, offusquer? Du, ben, c'est un peu comme un match de lutte. Là. Donc, 5 pieds 4. Oh. 3. Ah, 5 pieds. Je vais prendre 4, si tu veux, ça va faire plaisir. 5 pieds 4. 5 pieds 3, pardon. Chandail noir, ce matin. Oui. Un ninja, oui. après ça, qu'est-ce que j'ai d'habitude? Je sais pas, les cheveux en chignon. Oui. C'est très caractéristique chez moi, les cheveux en chignon. Ah oui, hein? Oui, on me reconnaît par mon chignon. On t'appelle Élodie Chignon Mongrain. Élodie Chignon Mongrain. Oui. Puis il n'y a pas une toune d'ailleurs par le chignon du cou. C'est ça, oui, ceux qui se font le chignon de cheveux dans le cou. C'est une drôle de mode, j'ai jamais compris. Mais c'est pas une toune. Oui, je sais, mais je faisais une blague de cheveux parce que c'est pas une chanson de cheveux. Okay. Laisse donc faire. Ouais, ok, yeah, laisse faire. Hey, il m'énerve, matin. Laisse faire. Commençons avec les questions de base, évidemment, pour apprendre à te connaître. Décris-nous ton équipe qui, cette année, c'est les Bleu-Orange. Jaune-Bleu. Bleu. Il n'y a pas de jaune à la vie. C'était correct que tu me regardais temps. Comme si c'était pas bleu. J'étais comme. C'était pour te tester un peu. Ah, tu vois, ça a réussi, ça marche. Ah, bon. mais oui, mon équipe, c'est les Bleus cette année. J'ai pris la place de Maxime Tanguay à titre de capitaine, mais j'ai recruté Maxime Tanguay, qui est un vétéran. Et jusqu'à date, on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. On verra ce soir si ça se poursuit. Et puis, j'ai deux recrues. Deux jeunes étudiants luthériens, deux jeunes louveteaux qu'on éduque là, tranquillement à la Luître et à la Chasse-Galerie. Ça donne un bonbon à chaque fois qu'ils font un bon gag. Exactement. J'amène ma chaudière de bonbons puis je leur lance ça. C'est un petit spray d'eau quand ils sont pas gentils. Oui, c'est ça. Quand ils montent sur la bande puis ils veulent pas s'en aller. Voilà. Mais jusqu'à date, ils se débrouillent très bien. Je pense que les Bleus, c'est une belle énergie. C'est le genre d'équipe que j'avais envie de monter. C'est l'équipe de tes rêves que tu t'es toi-même faite. Hein? C'est waouh! Exactement. Waouh! Puis comment on sent par rapport au fait que Maxime Tanguay était anciennement capitaine? La pression, c'est que c'est la pression? Hein? Que, ben, je ne sais pas comment... à quel point ça veut dire qu'il faut que je sois meilleur que lui. Je pense que je l'ai recruté pas pour être meilleur que lui, mais pour que le duo serve. Pour y montrer. Voilà. Puis je pense que ça peut juste me servir d'avoir un ancien capitaine mm-hmm. comme joueur. Parce que quand j'essaie de faire des interventions à titre de capitaine, ben, il sait ce que je veux faire puis où je m'en vais. Mais c'est aussi un très bon joueur, on ne se le cachera pas. Et une personne agréable à côtoyer sur un banc. Donc moi, je suis au paradis. Là. Wow! justement, donc tu disais que tu es capitaine cette année. C'est nouveau pour toi ce rôle-là. C'est quoi ton rôle dans l'équipe en tant que capitaine? Comment est-ce que tu vois ça par rapport non seulement à Maxime Tanguay, mais avec tout le reste de l'équipe? Qu'est-ce que tu vas faire pour faire des bonnes impros avec eux? C'est quoi ton rôle là-dedans? Ben, en fait, le capitaine, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est le moment où il va flipper la puck avec l'arbitre puis qu'il décide, on prend, on laisse. Oui. Mais outre ça, un capitaine ne peut pas juste, comme un joueur régulier, attendre que ce soit son tour puis performer sur la scène. Le capitaine a une espèce de performance à faire sur le banc aussi. Parce que quand l'équipe est un peu moins énergique sur le banc, ben c'est le capitaine qui remonte ça. C'est le capitaine qui s'occupe de créer une chimie d'équipe aussi, parce qu'une équipe avec 4 bons joueurs, mais qui ont envie de se taper sa gueule tout le temps, ça fait pas des belles impros. Puis c'est le capitaine qui va orchestrer bon, tout ce qui est administratif, là, je dirais entre gros guillemets, de « ouais, mais faut qu'on pense à ça, puis ouais, mais faut qu'on soit prêt pour ça. » Cool. C'est quand même beaucoup de responsabilité. Ah, oh, ça se fait bien. Oui. Ça a l'air pire que ça. Puis sur une, peut-être une note un peu plus personnelle, tu étudies à l'UQTR. En quel domaine tu viens d'où? Raconte-nous ça. Wow. Donc, je suis née il y a plusieurs années. Ah oui? Plus ou moins plusieurs. Plus ou moins. Non, sérieusement, j'étudie à l'UQTR en enseignement du français au secondaire. Et je viens de l'Assomption, qui est une petite ville magnifique et chaleureuse et accueillante dans la Naudière, donc tout près de Montréal. Oui. J'aime ça, les villes commencent avec un L apostrophe. Oui. C'est un bel article. ça, c'est une belle remarque une belle aussi. Belle anecdote aussi, je sais pas. C'est, j'essaie, tu sais. Quand tu commençais à faire de l'impro, toi, dans la vie? J'ai commencé, j'étais au secondaire. J'étais au secondaire en théâtre, donc j'ai appris l'impro par mes cours de théâtre. Puis j'ai éventuellement entré, je suis entrée dans une équipe. Puis j'ai continué au cégep. Puis j'ai pris une année off pour faire mon anglicisme en rentrant à l'université. Juste pour un an off, juste pour faire des anglicismes. Oui, c'est ça. La main, juste pour pouvoir voilà. Et toaster. Mais même pas parce que cette année-là, j'ai coaché. Donc, okay. Je voyais quand même de l'impro. Puis là, ben, cette année d'être assise, de regarder les autres en faire puis de pas pouvoir en faire. Fait que je suis entrée à la lutte l'année suivante. Mm-hmm. Donc, quand même, depuis longtemps. Justement, ça m'amène au prochain point. Ton meilleur ou ton pire souvenir d'impro dans toute cette panoplie de souvenirs? Je pourrais raconter mon pire souvenir parce qu'il est très drôle. J'étais au secondaire, j'étais capitaine de mon équipe et on joue à un match où on... ça va bien notre affaire, mais on se ramasse en fusillade. Et on a envie de le gagner ce match-là parce qu'on pense qu'on le mérite. Et comme je suis capitaine et que mon coach me fait confiance, il m'envoie en fusillade. Et je me souviens, je suis nerveuse, c'est comme mon deuxième match d'impro à vie. Je suis nerveuse, je tremble comme une feuille, j'ai des sueurs froides là, sur les tempes, comme ça. Et l'arbitre me dit, pour ceux qui ne savent pas une fusillade, on ne sait pas notre thème avant. Donc c'est un 30 secondes improvisé, on sait notre thème là, puis on improvise là. Donc j'arrive sur scène, l'arbitre me dit, pour 30 secondes, votre thème sera interrupteur. Et moi, je commence à faire une espèce de musique techno en imitant des interrupteurs imaginaires. Et là, je vois mon équipe sur le banc qui rit. Et là, qui fait une face de « Ben, c'est drôle, mais elle fera pas ça pendant 30 secondes. » Et non seulement j'ai fait ça pendant 30 secondes, mais à 10 secondes, l'arbitre me fait un signe pour me dire qu'il me reste 10 secondes. Moi, ce que j'ai vu du coin de l'œil, c'est « Ça va être terminé, je vais siffler. » Alors, je fais une espèce de petite finale et je retourne sur mon banc. Ah. Mais l'impro n'est pas terminée. Donc, je suis revenue sur scène, j'ai terminé mon impro avec le peu d'orgueil qui me restait. Et je suis retournée sur mon banc, la queue entre les jambes. Oui. Est-ce que tu as eu une pénalité pour t'être remise sur le banc? Non, mais étrangement, on l'a gagné, ce match-là. Oui. Wow, c'est pas à cause de ça. Mais... non, mais il y avait deux autres fusillades aussi dans mon équipe. Là. Je pense que je leur dois celle-là. Wow. Mais des fois, tu sais, ça peut... c'est un peu comme des fois quand on se trompe, mais si tu le dis pas, personne s'en rend compte. Non, ça, tu peux dire, ah ben c'était voulu, je voulais faire quelque chose, quelqu'un qui en finissait, qui éteignait la lumière puis qui s'en allait. Tu tournes ça. Mettons là, que j'ai tiré la sauce. On aime ça malaise. Ouais. Bien. Mais cette fois-là, j'aurais été dans votre clan. Oui, on aurait pu faire un groupe. Je pense que c'est ça qui m'a amené la faveur du public, en fait, c'est que les gens ont pas ri parce que ce que je faisais était drôle. Les gens riaient, ils se tapaient sur les cuisses. Parce qu'il riait de moi. Ouais. Par pitié. Par pitié et par je vais le prendre, rire du malaise. Ouais. Pour toi, l'improvisation, qu'est-ce que c'est? Mettons, tu dois me décrire l'improvisation, qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Qu'est-ce que c'est pour toi? Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment une activité qui prend beaucoup plus de place qu'on le pense parce que tu t'embarques là-dedans puis ton cercle social grandit au fur et à mesure que tu fais de l'impro. Si je pense au nombre de gens qui sont dans ma vie en ce moment que j'ai rencontrés par le biais de l'impro, ma vie n'est pas du tout la même. Je suis peut-être à Rouyn-Noranda en train d'étudier l'administration en ce moment si je n'ai pas fait d'impro. Mais c'est aussi un excellent jeu. Puis c'est un sport, on va le dire. Là. Sur un banc d'impro, il fait chaud. Mais c'est un sport du corps et de l'esprit. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mal complet. Mm-hmm. C'est bien dit. Si tu dis que quand il fait chaud, c'est que c'est un sport, donc animer à la radio, c'est aussi un sport parce qu'il fait chaud les fois en studio. Mm-hmm. Ben peut-être, à vous de me le dire. Peut-être. Ah oui. JP a froid, il est pas normal, je pense. Oui, ben attends, dans une demi-heure, je vais enlever mon t-shirt. Tu sais, je pense que ça nous amène à un segment qu'on appelle à l'intérieur de la chronique de nos amis de la Luitre, dans les coulisses de la Luitre. C'est le moment. Est-ce que tu connais le principe un peu? Non. De l'aparté? Tu connais pas l'aparté? Oui, je connais l'aparté. OK, parce que ça va être ça, hein, ça va être le moment aparté. Parce que Ouais. Le moment où j'y ai pas pensé, puis il a fallu que je pense. C'est pour ça qu'on te demande de pas y penser, parce que sinon, ça va faire trop préparer. Ah. Donc, c'est une improvisation sur un sujet que tu choisis. On va te poser une question, tu vas nous répondre pendant les 50 prochaines secondes environ. On te donne la chance de parler directement à ton joyeux public. Donc, Jean-Philippe demande la question qui tue. Donc, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Bien, ce matin, je trouvais que la température était un peu particulière, automnale. Et puis là, je vais m'en aller là, dans le un peu limite quiétaine. Mais c'est l'automne. Moi, je reviens de chez nous à l'Assomption en fin de semaine, puis je prépare à partir pour la chasse. Moi, j'adore ce moment-là parce que c'est le seul moment où la 40 entre l'Assomption et Trois-Rivières n'est pas d'une platitude à mourir. Parce qu'il y a des couleurs, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a peut-être un orignal qui va surgir. C'est le seul moment où tu y crois vraiment quand tu vois la pancarte d'orignal. Et je sais pas, moi, l'automne, ça m'inspire. Fait que ce soir, ça se peut que je fasse juste des impros de Londres dans le 16e siècle et d'assassinats sombres. Et de moments un peu louches. Donc, vivez l'automne, aimez-la. C'était réussi, ça? Oui. C'est une aparté par Élodie Mongrain. On te remercie pour ça. Et on va profiter de cette fin entrevue un petit peu pour parler du match de ce soir qui a lieu à la Chasse Galerie à 19h30. Certainement. Ton équipe est là-dedans? Oui, avec les oranges de Vanessa Fortier. Oui. Et qui va gagner le match? Bien, clairement les Bleus. Sûrement. Voilà. Quelle question! Donc, on s'attend évidemment à un paquet de revirements de situations loufoques et de loufoques Harry. C'est ça, j'essaie de faire un genre de boule de foin. Je l'ai compris, mais je me suis dit c'est une mauvaise idée. Je te comprends. Il va aussi y avoir l'improvisation C'est fou, où on va présenter un extrait de l'adorable émission qu'on vient de vivre ce matin. Oui. Et les gens vont devoir improviser par rapport à ça. Ça va être difficile, comme toujours. On peut pas s'attendre à grand chose parce que pour vrai, c'est souvent un fait insolite. Oui, c'est souvent ça. Une petite parenthèse par rapport, c'est ce qu'on fait. Voilà. Juge-nous pas. Je ne vous juge pas du tout. Avec les yeux de même qui nous figent, là. Mais on verra ce soir, en fait, en voyant l'extrait, si je vous si juge. Si on gagne. À ce moment-là, si les bleus, ça se peut que je vous juge. Si les bleus gagnent, l'impro c'est fou, c'est une bonne idée. Sinon, c'est vraiment une mauvaise idée. Ben, il comprend vite, celui-là. C'est un petit fin finot. Donc, Élodie Mongrain de l'équipe des Bleus, on te retrouve ce soir 19h30 à la Chasse Galerie. Et sinon, ben, dans à Voyeux. Pavillon d'éducation. Et voilà, ouais. et voilà. Ben, merci. Ben, merci à vous. Bonne fin d'émission. Merci. Est-ce que tu avais choisi une pièce? Parce que sinon, je peux toujours la taper sur... C'est une pièce qui te représente, mais qui rapporte. Tape-moi pas. Ouais, c'est ça, parce que là, on n'y a pas demandé avant. Ben, on pourrait jouer Tremblay. Ça va. Comme genre l'improvisation tantôt, ça va bien aller. Ouais. Ça va. Je trouve ça. Tu trouves ça pas right now, je trouve ça avec ma main droite. OK. Parce que t'es-tu l'Internet gaucher? Aujourd'hui, je suis droitier, mais je tape de la main gauche. Ah! T'es ambidextre. Je me tape de la main gauche. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire, cette blague-là. Donc, Tremblay, ça va. Puis, plus de chroniques tantôt, entre autres celles de Maxime Tanguay et de Laurent Constantin. Reste là. Il n'y en a jamais trop des regards croisés qui te font penser que ça pourrait marcher. Un chèque qui rentre sans que tu t'en attendes. Trois chiffres qui payent ton prochain loyer. Ça va. J'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Boston, Montréal, en série. Ça bouge, ça crie, la nuit, les taxis. Je vois la dernière saison fondre. Où est-ce qu'était passé tout le monde? Ça va. J'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. J'me tiens debout devant le bonheur. J'me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Même plus solide qu'avant. L'asphalte que je regarde quand je marche. La vie, j'allais dans la face. Comme le vent tu mènes. Qui sent la mer et qui t'emmène. Ça va. J'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge

tour, un loup-garou parcourra le campus pour parler de l'actualité. Un coin. Ah ouh! Non. Ouais. Moyen. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. En ce lundi 7 octobre 2013, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Es-tu aussi en forme que moi, toi, ce matin? Oh, oui. Ça, on va à, une... à deux, on est en forme. Oui, on fait la forme d'une personne à deux. Ouais. C'est comme au cirque où deux personnes joueraient le devant et le derrière de cheval. Il y en a un qui a la face dans les fesses de l'autre. Oui, mais on s'alterne. On a tout le temps la face dans les fesses de quelqu'un d'autre. Okay. Un temps ou l'autre. Wow. C'est toi qui dis j'ai la tête dans le cul. Nous autres, on dit à la place j'ai la tête dans les fesses de l'autre. Dans les fesses de l'autre, oui. C'est merveilleux. Maintenant, si on amène quelqu'un qui va sûrement relever un petit peu le niveau d'intelligence ici. Donc voici Laurent Constantin et sa chronique « Voyage au centre du campus ». I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Salut Laurent Constantin! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? On va bien! Oui, ça... ouais, super! Ouais. Je vous vois, mais pas parce qu'on ne se connaît pas, mais parce que vous êtes deux, tout simplement. Oui! Ouais, c'est, ouais, c'est ça. C'est bon de préciser pourquoi on vous voit quelqu'un quand c'est pas la raison normale. Oui! Oui. Donc, cette semaine, dans ta chronique Voyage au centre du campus, d'habitude, tu parlerais de ta chronique dans le Zone Campus. Oui, je lirais ma chronique du Zone Campus. C'est déjà fait, ça. Cette semaine, il n'y a pas de Zone Campus qui paraît, alors je parle de ma non-chronique. Ta non-chronique? Alors, cette semaine dans l'actualité, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans l'actualité. On parle beaucoup de les mêmes choses depuis une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est et je vous laisse deviner de quel sujet toutes les radios et toutes les télévisions parlent depuis trois semaines. Les élections municipales. Okay. Oui, un débat à Chasse-Galerie. Non. La GE. Non. La charte des valeurs québécoises. Oui, la charte. Oui. Oui, écoute, quand un sujet polarise les médias assez pour en parler pendant trois semaines de Tout le monde en parle... Mm-hmm. Trois semaines de Bazo.tv, pour ceux qui ne connaissent pas Télé-Québec. Oui, c'est ça, télé. Mm-hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas Télé-Québec, c'est une chaîne de TV. Oui, c'est qui vient de base avec ton forfait. Donc, on en parle depuis trois semaines. Donc, on voit souvent dans l'actualité québécoise, il y a souvent plusieurs sujets qui vont polariser vraiment tous les médias. On va vouloir avoir les exclusivités sur le sujet. Si on se rappelle, si on retourne 12 mois plus tôt, donc il y a un an, ça environ. Il y a un an. Vous rappelez-vous de quel sujet on parlait il y a un an? On parlait que de ce sujet-là. Ça devait être le début de la commission Charbonneau. Oui, exactement. Ouais. T'es bon. La commission Charbonneau il y a un an, et d'ailleurs qui a pris relâche depuis ce temps-là et qui est revenue, mais maintenant on n'en parle plus, ou presque plus, parce qu'on a un sujet encore plus chaud. Ouais. On aime ça avoir du nouveau stock à dire. Il y a un an, on reprochait justement à la commission Charbonneau de monopoliser les ondes. On voulait entendre quelque chose de neuf, mais non, RDI nous servait ça à toutes les journées. On voulait pas en manquer une. Puis on pouvait l'écouter en direct, au complet. Est-ce qu'on peut encore? Sûrement. Oui, oui, oui, tout à fait. Sur le site Internet, même, c'est ça, comme je dis, le réseau de l'information nous offre ça quotidiennement. Alors, c'était les romans préférés. Oui. Alors, sur ces deux sujets qui sont toujours d'actualité, même si on en parle depuis des semaines et des semaines, on s'enligne vers ce que tu as évoqué tantôt, c'est-à-dire les élections municipales. Ah. Alors, je trouve ça particulier que dans la course aux élections de Trois-Rivières, on a 6 candidats à la mairie et pas un a mentionné la Charte des valeurs québécoises et la commission Charbonneau. Ils veulent pas se mouiller ou... Ben, je pense, oui, c'est peut-être un peu de la gêne. Ils attendent que quelqu'un se jette à l'eau tremper l'orteil. Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'il faut croire qu'il n'y a pas eu de corruption à Trois-Rivières? Il n'y a pas de problème avec la laïcité ou au contraire, pas de problème avec l'immigration ou les signes religieux à Trois-Rivières. S'il n'y a pas de problème de laïcité, tout ce qu'on a, c'est un problème avec le maire où tout le monde laïcité. Non? Wow! Oh, merci. Hey, pour un gars fatigué, il faut le mérite, merci. Le beau jeu de mots de la journée. Voilà. Ouais. Donc, en pensant justement aux élections municipales, on peut se dire, est-ce qu'enfin, il y a une élection municipale qui va se porter sur les étudiants de l'UQTR? Est-ce que les élus vont venir à nous, ou plutôt les candidats pour être élus vont venir à nous pour se dire, enfin, on en parle souvent là, de la Trois-Rivières ville étudiante, mais enfin, on veut réaliser ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, vraiment créer un sentiment d'unité à Trois-Rivières. On a... L'UQTR, le Cégep de Trois-Rivières, le Collège de la Flèche, qui sont vraiment dans un quadrilatère distinct de la ville. Et on dirait qu'on peine quand même à créer un réseau étudiant, vraiment quelque chose d'unifié. Donc, j'aimerais bien voir ça au débat des chefs qui se tiendra à la Chasse-Galerie. Vous pouvez me rappeler exactement la date. C'est demain. J'ai le 10 en tête. Ça ferait du sens que ce soit jeudi. Ouais. Jeudi le 10. Donc, jeudi, soyez là. Jeudi, débat des chefs à la Chasse-Galerie. Et, il ouvre son zone campus. En plus des élections. Mercredi 9. Mercredi 9. Parfait. À midi. Et puis, vous pourrez l'écouter en direct. Si vous ne pouvez pas être là, on va le rediffuser sur les ondes de C'est fou. Yeah, l'intégrale. Mm-hmm. Oui, donc en espérant que d'ici le 3 novembre, date des élections municipales, on évoque soit la commission Charbonneau, soit la Charte des valeurs québécoises, mais surtout en tant qu'étudiant, en tant qu'université, on aimerait ça qu'ils se portent vers l'université. On se rappelle que la ville avait subventionné une partie du nouveau pavillon à la vie étudiante, mais on aimerait que ce genre d'entente soit renouvelée, revienne de façon ponctuelle à chaque année. Donc, pourquoi pas? Moi, pendant qu'on est là, je sais pas si tu trouves ça. Moi, en tout cas, quand, dans mon temps d'étudiant, je trouve que ça a fait pareil. À l'époque, oui, c'est ça, il y a de cela 4 mois, en avril. Sauf que comme c'est Trois-Rivières, beaucoup de gens qui viennent pas de Trois-Rivières, oui. Beaucoup de gens gardent leur adresse. Chez les parents, puisque c'est plus facile. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un désintéressement la politique municipale à Trois-Rivières, puisque les gens, s'ils n'ont pas d'adresse ici, s'ils ne font pas leur changement d'adresse, ils on peuvent est pas tous, voter. Des métèques à ouais. Trois-Rivières. C'est une ville juste haute. Mais c'est vrai que ça a été ma situation pendant 2 ans d'habiter Trois-Rivières sans vraiment avoir le sentiment d'appartenance, sans vraiment avoir la citoyenneté. Oui, la citoyenneté, mon passeport. La cité de Trois-Rivières. Ouais. Mais oui, c'est ça. Maintenant, je suis inscrit à Trois-Rivières, donc je vais voter ici. Je vais essayer de faire un choix, peut-être donner des nouvelles d'ici les prochaines semaines. Quelles sont les bonnes candidatures ou les mauvaises candidatures? Peut-être faire un infoman de moi. Oui, oui. En trouvant les belles candidatures de luxe. Justement, il faut que je parle de cette anecdote-là. C'est dimanche matin hier, je vais au centre-ville et tout de suite à l'entrée du centre-ville, il y a une belle pancarte électorale où c'est écrit un candidat à la mairie, je ne me rappelle plus son nom, qui dit « Je vais éliminer tous les parcomètres du centre-ville. Voici ma promesse. » Hein? Wow! Pour être populaire, ça c'est populaire. Oui, oui. Oui, oui. Mais il y en a de toutes sortes à Trois-Rivières quand même, mais comme dans toutes les villes. Dont celui qui a une pancarte faite à la main. Celui non plus, je ne me souviens plus du candidat, mais quand même, c'est parce bien. On n'est pas là pour les salir. Ouais. Un peu comme ces pancartes, c'est pas là pour nous saler les doigts si on les touche. Non. Des fois, des belles pancartes faites au pochoir aussi, c'est toujours beau. Là, ou... Oui, ouais. Des jeux de mots de pochoir, c'est drôle aussi. Ouais. Ouais. Au sol. Maudit tes pochoirs, qu'est-ce que tu vas gagner, tu sais. Puis on peut toujours commenter l'actualité Facebook en disant avec le candidat à Magog. Oui, vous savez sûrement vu passer monsieur, ça. Monsieur Mabit. Mais ça doit être Maybe. Moi, je pense que c'est un fake au complet. Oui, sûrement, peut-être. Candidat mystère. Ouais. Mabit dans Magog. C'est un U8. Oui. Voilà. Tu sais, tantôt, on a parlé qu'on diffusait le débat des candidats live à C'est fou. Oui. On devrait, tant qu'à ça, continuer puis vraiment mettre le paquet puis diffuser le vote live aussi. Chaque personne aurait fait comme à Survivor puis je vote pour Mabit dans Magog. Oui, c'est ça. C'est drôle. Oui. Non, on n'a pas le budget pour ça. On va mettre Yves Lévesque au balotage cette semaine. Oh. Voyons comment il s'en sortira. C'est tout, Laurent Constantin. Oui, c'est tout. Alors, on se revoit pas la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est congé lundi. Puis peut-être la semaine d'après. La semaine d'après, c'est pas une semaine de relâche aussi? Ouais, on mais... On se voit-tu dans 3 semaines, pour vrai? Non, mais dans 2 semaines, je vais essayer d'être là. OK. Je m'en vais pas à Punta Cana pendant la semaine de relâche. J'ai pas ces moyens-là. Non, les étudiants, c'est au moins rarement en voyage, mais souvent, ça retourne dans leur région. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique du voyage au centre du campus. Bonne journée. Bonne journée. Le loup-garou du campus. Oui, j'ai compris. Une chance, merci. C'est bon que tu saisisses les gags comme ça. Donc, toujours assemblage requis, 8h38 environ en ce moment. Et moi, je pense qu'on va se garnir d'une autre bonne pièce du palmarès. On a besoin de ça pour vivre, un peu comme un loup-garou a besoin de la lumière du clair de lune pour quelque chose du pour genre. Pour loup-garouter. Pour loup-garouter. Oh, ben oui. Donc, on s'en va entendre notre ami Caféine qui, nous, on a besoin de caféine. Hein. C'est tout des besoins, c'est une affaire de besoins aujourd'hui. Tout ben se rattache oui. à Mais ça. Mais faut pas se sentir seul aujourd'hui. Non. Voici l'orpheline. Sentir seul. Sentir seul. L'orpheline, parce que pas de parents. Ouais. C'est triste. Oui. Bon, on vous souhaite quand même une bonne journée. Si vous voulez. L'orpheline de Xavier Caféine, ou juste Caféine, ou comme on l'appellera peut-être un jour par le symbole de la caféine, que je peux aller chercher sur Wikipédia parce que ça ne me tentait pas puis je trouvais ça plate. Ouais. Il va peut-être s'appeler aussi Équitable. Équitable, t'as dit un autre nom aussi tantôt. Snoop Caffeine. Snoop Caffeine. Oui. Quand il va faire du reggae town. Ouais, puis il va dire, ouais, c'est quelqu'un qui est venu me parler, là. Il était tanné que je m'appelle autrement. Malaise. Maintenant, transitionnons subtilement comme on aime le faire dans cette émission super préparée. Voici Il était deux fois. Si deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. C'est Il était deux fois, la chronique où on fait jouer. Attends, il va falloir que tu devines le concept. Là. On fait jouer deux chansons qui ont le même instrument dedans. Non. On fait jouer des chansons avec deux personnes qui s'habillent pareil. Comme Chris Cross dans le temps que les Hot Jeans à l'envers. Toss. Non. Sais-tu, on fait jouer deux chansons par des gens qui ont une coupe de cheveux de la même longueur. Je peux-tu y aller avec l'appel à un ami? Ouais, vas-y. OK. L'ami... J'aurais besoin d'un bruit de téléphone. Ok, oh, excuse-moi. Attends, juste, je vais prendre la ligne. Deux secondes. Ok, ok, oui, ok. Oui, salut Roger. Salut, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est le bloc où on fait jouer deux chansons par un seul et même artiste ou groupe. Oui, c'est ça que j'allais dire. Fabuleusement original, oui. Je te dirais. C'est du jamais entendu. Aujourd'hui, on fait entendre du Alt J. Oui. Mmh. J'avais envie de ça. Ouais. J'ai acheté le vinyle. J'ai acheté le vinyle. Ouf. En fait, c'est pas vrai. Genre, je l'ai copié. J'ai fait Alt J. Ok. C'est la touche de raccourci pour Reaper CD. Non, je sais pas. Ça doit être une touche raccourci pour quelque chose. Alt J. Pense à autre chose. Ok. J'ai acheté le vinyle. Ouais. Et puis j'aimais bien Alt J. J'écoute le vinyle. Puis j'aime de plus en plus ça. Je trouve que c'est une bonne musique d'ambiance. Puis je suis sûr que Maxime Tanguy qui arrive dans les prochaines minutes pourra nous en parler. Dans sa chronique, j'ai du temps pour une chronique. Parce que oui, j'y pense. Puis je trouve que c'est des bonnes tunes pour étudier. Est-ce que tu as envie de commencer avec une pièce qui s'appelle Fitz Pleasure? J'aurais envie de ça. Qu'on dédie à Simon Fitzbay, évidemment, mais si on n'a pas le choix. Oui. Fitz Pleasure. Tous nos chroniqueurs regroupés ensemble. Oh, on les aime de cœur. La, tra, la, la, tra, la, tra, la. La, tra, la, la, tra, la, tra, la. La, tra, la, la, tra, la, tra. In your style. Fitz Pleasure, boom, she pleasure. Deep greedy and googling every corner. rain. He yearns to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips hand as my heart is shutting up. Do you know where the waffings go? They go on to take your honey. Bring down our sleep, build our breakfast, now let's sleep, my love, my love, love, love. She bruises calls, she's splutters pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips and as mine is shot in half. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Pas celle-là. Non, gaffe, celle-là. Deux fois. Voilà. C'était deux fois. La chronique où on passe deux chansons d'un seul et même artiste et ou groupe à Assemblage Requis. Et aujourd'hui, c'était. Alt J. Oui. Avec deux chansons, évidemment. Oui, on a eu Fresh Pleasure. Fraîcheur, désir, fait. Fitz Pleasure. Fitz Pleasure. Faut que j'aille en deux shots, moi. Et Breeze Blocks. Blocks. Oui, monsieur. Oui. Oui. De ALT-J. Point d'interrogation. Ouais, je sais pas. Hein? Donc, il était deux fois qu'on fait quand on a des trous à combler ici à Assemblage Requis. Puis quand on a envie d'écouter un bon groupe. Ouais. Et maintenant, je te laisse deviner. Je sais pas, je t'ai peut-être donné un indice précédemment. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, là, mettons? Ben, moi, je pense qu'on s'en va zigonner sur quelque chose. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à l'assemblage. Des instructions, c'est comme moi, ça. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. C'est fait. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Je la trouve pas. Agitez fermement sans trop brasser. Shaker. Étape 2. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Mm-hmm. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais Mathieu, là. Ouais, mais ça marche pas. t'es pareil comme lui. Oui, moi je... Hey! Donc, les instructions d'assemblage, on va faire ça rapidement aujourd'hui. On a quand même quelques petits trucs à se mentionner. Là. Par exemple, d'emballer, d'entourer les lumières de Noël autour d'un support... pour ne jamais qu'ils se fassent des nœuds dedans. Ouf. Autour de support, quand vous allez, tu sais, prenez des notes pour Noël qui s'en vient. Oui, parce qu'il y a-t-il quelque chose de plus pire que ça? Il n'y a rien de pire que ça dans la vie. Les abeilles ne te verront pas si tu bouges pas. Okay. Ça, je pense que c'est un classique. Tout le monde le sait, mais on le retient pas assez. Les abeilles, quand tu bouges pas, ils voient pas. Bon. Utiliser une fourchette pour tartiner du fromage à la crème à la place d'un couteau, ça va éviter de faire des petits grumeaux. Ça passe, c'est un peu comme un rasoir à 5 lames, tu sais, fourchette à 4 lames. C'est des faits grumeaux. Waouh! Et ça défait à la face aussi. si vous avez fait le sextape sur votre téléphone cellulaire, sextape, you know? Couvre la lentille pendant les 15 prochaines secondes. Si quelqu'un prend ton téléphone, il va voir que du noir sur la petite miniature de ta vidéo. Sinon, il y a une application qui s'appelle Vault. Vault? Oui, c'est un coffre-fort. Okay. Dans le fond, tu prends tes photos que tu veux pas que personne voit, tu les mets dans Vault. Et puis, c'est comme une application qui fait juste un code de sécurité de plus. Donc, si tu veux les voir, pour entrer. Un autre mot de passe. Wow. Donc, les gens peuvent facilement aller voir tes photos. Mais si tu veux voir les photos que personne veut aller voir, c'est dans Vault. Excellente idée, Vault. Tiens, si tu demandes à quelqu'un de faire plusieurs petits services, OK, à la place d'un seul gros service, c'est ce qu'on appelle l'effet Benjamin Franklin, le président. Et c'est prouvé qu'ils vont t'aimer plus. Donc, si tu leur demandes des petits services, ils vont penser, ils vont se dire, waouh, il y a vraiment confiance en moi, ils me demandent souvent des petits services. OK. Fait que, mettons, au lieu de dire, irais-tu me chercher un café? Oui. Tu dirais, me tiendrais-tu ma tasse 2 secondes? Après ça, tu t'en ramènerais-tu, genre, mettons, à chasse-galerie 2 secondes? Tu prendrais-tu une gorgée dedans? Oui, c'est ça. Tu remarquerais-tu qu'elle est frette? quand t'es un party, dis aux gens que tu ne boiras pas. Moi, je bois pas à soir. Ils vont t'offrir des drinks gratuits. OK. Qu'on nous dit. Wow. Moi, j'ai jamais essayé ça, mais. Non, je bois pas chaud. Faut pas que t'es conducteur désigné. Non, parce que là, ils vont t'offrir des petits jus. Voilà. Si t'as tendance à avoir de la difficulté à te lever le matin, jouer à un jeu sur ton téléphone cellulaire, ça va stimuler ton cerveau et ça va t'aider à te réveiller. Mm-hmm. Bonne suggestion, ça. Ensuite, tiens, si tu dis pineapple à quelqu'un, pineapple comme un ananas, alors qu'ils sont en train d'éternuer, ils vont oublier d'éternuer. Je sais pas si c'est à cause de la complication du mot. Donc, pineapple! Pineapple! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Non, c'est ça? Ouais. Faut que tu chantes la chanson de SpongeBob SquarePants. si t'es serveur dans un restaurant, donne des menthes à tes clients à la fin de leur repas. Ils vont te donner plus de tips. Oh! Oh, c'est vrai pareil. Moi, j'avoue que j'accepte et j'approuve. Oui, la menthe. Pour pas nommer le restaurant Pacini. Pour ne pas le nommer, oui. Qui donne des petites cerises enlevées dans le chocolat. Moi, ça fait mon bonheur. Wow. Ça me rend une journée agréable. Eh ben, t'as. Ensuite de ça, toujours dans la chronique de conseils, trucs et astuces, instructions d'assemblage. Si t'achètes une voiture, achète-la à la fin du mois. Parce que les vendeurs ont un quota à atteindre à chaque mois. Ils ont plus de chances de te faire un bon marché, un bon deal. C'est bon. Si on est à la fin du mois. Si le mois était mauvais, j'imagine. J'imagine. Si t'as des problèmes avec ton pas de porte glacé, ton pas de porte, il est glacé. Donc, prends de l'eau chaude et mets du liquide à vaisselle dedans. Et verse ça sur ton pas de porte, sur tes escaliers, sur ton entrée et ça va pas regeler. OK. Du liquide à vaisselle. Sauf que là, ça peut devenir glissant à cause du liquide à vaisselle. Fouing! Oui, fouing. Exactement. Oui, tes souliers vont être très propres. Oui. si tu ressens des larmes qui s'en viennent, là, on avait déjà dit de se mettre la tête au congélateur, on s'en souvient, et que tu dois retenir ces larmes-là, relaxe ta mâchoire et empêche-toi de cligner des yeux. Faites comme les sentinelles de l'air, finalement. Ouais. T'ouvres la bouche. Comment tu fais pour te relaxer la mâchoire? Je sais pas. Je me sens pas relax pas en tout. T'as l'air vraiment bizarre. Avec la bouche à terre. Il manque juste un filet de bave. C'est pas merci. tiens, les gars, si vous avez de la difficulté à faire pipi à l'urinoir, relaxez vos genoux, retenez votre souffle et ça va arrêter. Pétez un bon coup. Relaxer les genoux, je sais pas. Bizarre quand même. Ouais, mais là, tu sais, ça donne des situations assez le fun, pareil. Tu peux. Je vois juste la personne qui est vraiment trop molle, genre devant dans l'urinoir, puis qui relaxe les genoux. Tu sais, à la Mr. Bean, là. Oui, oui, oui. Qui vraiment se laisse aller, là. Puis lâche une brique, finalement, à place de. Voilà. Installe un pull-up, tu sais, une barre de pull-up pour faire des pull-ups, là, sur ton cadrage de porte. Dans une de tes cadrages, t'en installes un. Et à chaque fois que tu vas passer là, tu vas devoir faire un rap. Voilà. C'est mieux que pas faire de rap du tout. Ouais. Ta reputation, ta cred, oui, ta sweet cred va être là. Toucher le haut du bras de quelqu'un en lui demandant quelque chose, il y a plus de chances de dire oui. Ah. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire ça? Flat oui. Le bras. S'il te plaît. Sinon, tu peux te faire dire que les gars, ils aiment pas ça quand ils touchent les épaules. Non, c'est ça. Ça va aller directement aux ressources humaines. Ouais. Pas sûr de... Ouais. Relâcher ton souffle alors que ton pied gauche touche le sol, ça va éviter des crampes pendant que tu cours. Ah. Tu relâches ton souffle au pied gauche. Pourquoi pas? Ouais. La colle, t'as de la colle dans ta face. T'as de la colle dans ta face. De la Elmer's glue. Il y a de la colle Elmer là, dans ta face. Donc, laisse-la sécher. Enlève-la, dans le fond, en retirant un peu comme un pansement, un plaster. Un sparadrap. Un sparadrap. Et ça va enlever les peaux mortes et les points noirs. OK, pas pire, hein? Mais tu mets de la colle Elmer's ta face. Oui. Tu mets du bricolage, un pour le carton, un pour ma face. Tu sais, de la grosse colle. Tu sais, c'est ça. Heavy duty, là. Oui. Si t'as besoin d'imprimer, de tester une imprimante, imprime la page d'accueil de Google. Parce que toutes les couleurs et ça utilise presque pas d'encre. Ah, voilà. Le logo de Google, j'aime ça. Fais la vaisselle pendant que tu fais à souper. À la place d'attendre après le repas. Comme ça, la majorité de la vaisselle va être faite quand tu vas avoir fait cuire ta nourriture. Il va te rester seulement les assiettes que tu viens d'utiliser. Oh, c'est bon ça. Quand tu utilises une toilette publique, mettre du papier de toilette au fond de la bolle. Ça va empêcher, dans le fond, de faire du bruit. Ah! De faire du bruit. Ploup! C'est simple quand même. Hein? Si t'es déprimé, on parle de manger des avocats. Un avocat est peut-être ce qu'il te faut. Ce fruit vert contient de hauts niveaux de vitamine 6 et d'acide folique qui va stimuler la production de choses chimiques dans ton cerveau là, qui va être manquant quand t'es déprimé. C'est de la sérotonine. Tu vas donc prendre de la sérotonine et ça va être moins déprimant pour toi. C'est pour ça que tout le monde est heureux quand il mange de la guacamole. Et voilà, oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des masques aussi de guacamole pour... Ben oui, oui, oui. Lors des trucs de massage, là. Oui. Ça te rend heureux. Un nouveau sondage nous indique les 10 traits caractéristiques que les hommes vont regarder chez la femme, ou la femme chez la femme, je t'ai rachat, mais ce qu'on regarde chez la femme, donc en ordre. Est-ce que tu veux deviner le numéro 1, avant qu'on se rende là? Le top 1? Les fesses? Non. Donc on va y aller avec le top 10, la peau. Ensuite, la grandeur. OK. Ensuite, en huitième, on retrouve... Attends un peu. Où est le 8? Ah oui, les fesses. C'est là. J'étais le huitième. En septième, le style. En sixième, les jambes. En cinquième, le poids. En quatrième, les cheveux. En troisième, les seins, la poitrine. En deuxième, le sourire. Et en plus regardé par les hommes et les femmes chez les femmes. Sa personnalité. Non, les yeux. Oh! Les yeux. T'as pas bien le choix. Donc, prenez soin de vos yeux. Voilà. C'est le truc et astuce qu'on vous donne. Il nous en reste deux. On termine très, très rapidement. Comment enlever de la cire sur la pomme? Saviez-vous que même si les pommes ont l'air fraîches dans votre supermarché local, elles ont des fois jusqu'à une semaine de vieillesse, ces pommes-là, après avoir été ramassées dans l'arbre. Donc, on dit de remplir l'évier de 5 tasses d'eau tiède. Ajoutez une cuillère à table de jus de citron, une cuillère à table de bicarbonate de soude. Placez vos pommes dans l'eau, brossez l'extérieur de la pomme avec une brosse à légumes ou à fruits et tu vas voir la cire disparaître et l'eau va devenir un petit peu nuageuse. Ah. Mais ta pomme va être sans cire. Et la cire, c'est ce qui fait que c'est luisant oui. En magasin. Donc, elle va avoir l'air un petit peu plus mât. Voilà. Mât. Mais sûrement meilleur pour la santé. Sûrement. Meilleur. Sûrement. Sûrement. Ouais. Et pour terminer, pour enlever la saleté sur votre coutellerie, sur vos couteaux, fourchettes et autres ustensiles, remplissez votre lavabo d'aluminium, de papier aluminium, versez une demi-cuillerée à table de sel, une demi-cuillerée à table de bicarbonate de soude, remplissez d'eau chaude, dompez votre coutellerie là-dedans, laissez cela pendant 30 minutes et tout ça va se transférer au papier d'aluminium, toutes les saletés. Yeah. Donc c'est ça, c'est demi-cuillerée à table de sel et l'autre de bicarbonate de soude, puis de l'eau chaude. Intéressant. C'est merveilleux. Voilà pour la chronique de trucs et astuces, les instructions d'assemblage. Voilà. On prend une pause et au retour, c'est Maxime Tanguay et sa chronique « J'ai-tu de temps pour une chronique? » Restez là. Assemblage qui pour CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Et on accueille Maxime Tanguay qui aujourd'hui va nous dire le nom de sa chronique en tant que chanteur acoustique dans un petit band qui fait la chanson thème de l'émission qui s'appelle Assemblage Requis. Donc, mais qui s'appelle le nom de la chronique à la place, mettons. Comme... Donc, chanteur acoustique. Je joue la guitare. Es-tu le temps d'une chronique? Moi, j'aurais... Je m'excuse, mais Maxime. Mais j'aurais fait quelque chose un peu plus comme... On va recommencer. Oui. Okay. J'ai-tu le temps pour une chronique? La prochaine fois, c'était vraiment bon dans ma tête. J'ai aimé le moment où t'as arrêté d'assumer ce que tu faisais. Ouais. Mais écoute, c'est parce que je l'ai chanté dans ma tête avec vraiment le beat de Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Ben, mais moi, je l'ai reconnu. OK. Écoute, t'es vraiment gentil, t'as vraiment de la pitié. J'ai-tu le temps pour une chronique aujourd'hui? Ouais, tu vois, ça, c'est déjà mieux. Yeah. Donc, c'est Maxime Tanguay, sa chronique J'ai-tu le temps pour une chronique? Allô? Allô? Content de te revoir après une absence la semaine passée. Ben oui, Caroline, j'étais blessé au bas du corps, puis c'est ça. On a donné 110% cette semaine pour une chronique. Exactement. Non, mais j'ai libéré drastiquement mon horaire, donc je devrais être là pour le restant de la session, à moins que je tombe franchement malade, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, mais pas assez pour m'empêcher d'être ici. Donc, OK. Ben, c'est bon de voir que tu as gardé tes priorités à bonne place. Donc, Assemblage Requis et Dîner de Con gardent leur première place. Ah, ben oui. Ben, c'est top de liste. En haut, complètement, là, vous êtes là. Merci. Juste en bas, il y a manger. En bas de ça, il y a manger. Donc, ta chronique, c'est... Étonnamment, en dessous de tout ça, il y a respirer. Oui, ben, c'est ça. Je m'en allais vers ça. OK. on te fournira un tube pour... Un tube? C'est quoi ça, un tube? Ben oui, je sais c'est quoi un tube. Donc, la chronique pour étudier, c'est... Oui. Tu présentes la musique pour mieux étudier, finalement. Ben, pour vous aider à étudier ou pour vous empêcher d'étudier, mais ça, ça dépend de la personnalité. Ça dépend de chacun. Ben, ça dépend de chacun. Tu sais, comme je sais que Jean-Philippe, la plupart des groupes que je présentais présentement l'empêchent d'étudier parce qu'ils trouvent ça trop bon. Ouais. Tu sais. Ouais. Je deviens complètement fou. C'est ça. tes gags aujourd'hui. Tes gags sont vraiment incroyables. Ben, merci. Ça me fait plaisir. J'ai un gag reflex comme. Quand tu mets le doigt dans la gueule. Ouais. Quand tu me fais des blagues comme. En tout cas. Gag reflex. Vous êtes cute. Merci. Et comme un vieux couple, comme nous dit-on à chaque fois avec quelqu'un d'autre, pas avec toi, mais avec toi, c'est... Qui dit ça? Finalement, on est un triangle. On est un triangle. Vous êtes un triangle. Je partage Mathieu Plante avec quelqu'un d'autre. Ouais. Oh. Devine qui? Voilà. Je vais y passer. Pense-y. Okay. Pense. Vous savez tous c'est qui à la radio aussi. C'est pas un inside du tout, vous savez c'est qui. Tu passes, mais moi, je vais parler de Palms. Oh! Oh. Hey, wow, c'est une blague qu'on n'aurait jamais vu venir. Mystique Madame Moustache n'aurait pas pu lire ça dans les lignes de la main. Dans la Mystique Madame Moustache. C'est elle qui a prédit quelque chose. Elle a prédit la fin du monde en 2013. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, non. Mais il t'attend? C'est un personnage récurrent dans l'émission. OK. Ça, c'est le fun parce que ce groupe-là, il t'empêche, quand tu fais de la cuisine, ça empêche tes gâteaux de coller. Tu penses? Pam. Pam. Du Pam. Pam, ouais. Ah. Moi, c'est ça. C'est comme à 5 lettres d'être la vérité. Ouais. Bon, OK, j'arrête. Wow. Je décroche. Aïe, aïe, aïe. C'est comme l'excellent chanteur de Hoopa Gangnam Style, Psylm. Tu sais? Tant qu'à faire une mauvaise blague. Oui, exactement. Psylm. Psalm, ouais. Mais c'est pas Psalm. Parce que un psalm, ça, c'est plus religieux, je pense. Okay. Hein? Non, oui. Là, c'est Palm. Aïe, aidez-moi, de pas vrai, c'est religieux, un psalm. Aïe, aïe, c'est comme au moins 5 minutes à la date qu'on fait l'introduction de la chronique. 5 minutes de meilleur moment. Wow! 5 minutes de meilleur moment. On parle donc de Palms. De Palms, voilà. Donc, groupe Palms qui est issu d'une fusion en deux groupes. En fait, vous connaissez Isis? Non. Isis, c'est un groupe de post-metal assez obscur, assez intense, mais excellent, cela dit. Et Isis est décédé, entre guillemets, en 2010. Et trois membres d'Isis qui ont fait « Hey, mais on veut pas arrêter de faire la musique ensemble. On s'aime bien trop, se faisait des petits câlins, donner des petits becs. » Bref, ils ont fait « Ben, Colin, on va refaire un projet ensemble. » Puis on va recommencer à faire de la musique. Et un jeune homme du nom de Chino Moreno, que j'adore par-dessus tout. L'animateur de Salut Bonjour aussi. Voilà. Oui. Oui, ben exact. Oui. Il a lâché Salut Bonjour pour faire... pour être dans le bel. Chino Marino, donc, de Deftones, chanteur de Deftones, qui appréciait énormément la musique d'Isis, puis il s'est dit, tiens, ben, je vois une occasion d'embarquer dans le groupe et de m'imposer. Et les gars ont fait, ben, OK, cool. Bref, ça a donné Pounds, qui est donc une espèce de... c'est dur à classer. C'est post-rock, shoegaze, post-metal, metal alternatif, rock alternatif. C'est bien... C'est comptine assez pour enfants. Comptine pour enfants, traditionnel japonais. Tu sais, des, assez, assez éclectique. Et ce qu'on retrouve, par contre, mettons les quatre éléments principaux qui a comme donné le résultat en bout de ligne, c'est le post-rock, parce qu'on a le côté très planant, des chansons plus longues un peu, plus lentes à se développer. Le shoegaze, parce qu'on a énormément de distorsions, puis souvent dans le même refrain, si on peut appeler ça un refrain, tu peux avoir trois ou quatre distorsions différentes sur les guitares. C'est très misé là-dessus. On appelle ça le shoegaze, parce que les guitaristes avaient tellement de pédales qu'ils devaient regarder leurs pieds pour jouer. Métal alternatif, parce que la voix de Chino Marino était, on dirait, des anges. Là. C'est mielleux, là. Ah, écoutez, c'est pour, vous tu pouvez mettre un morceau... Chest, tellement que c'est mielleux. Tu coupes un morceau de l'album, tu le mets dans ton café le matin, ça va le sucrer peu. Là. C'est vraiment très mielleux. Et le côté métal alternatif est beaucoup dans sa mélodie de voix, qui est très accrocheur, très léger. Vous allez le constater. Et le post-metal nous vaut beaucoup du son. Comment ils ont mixé l'album, comment ils ont mélangé les sons. Donc, c'est tout le temps un petit peu lointain. Il y a beaucoup, beaucoup d'écho sur la voix de Chino. Beaucoup d'écho sur les guitares aussi, des reverbs, Loops. Non. De l'écho, c'est pas l'autre mot que reverb. Là. C'est... Tu joues ta note, puis elle sonne deux fois après. Là. Oui. Delay. Delay. C'est comme un canon là, aussi. Ouais, c'est ça. Des canons, quand on sort d'une chanson, mais tout le monde part en même temps. Oui. C'est un canon. Oui, c'est un canon. Ça. C'est également ce qui a conquéri Québec une couple d'années. Aussi. Bref. C'était une bonne devinette. Là, on était comme, voyons, delay, là, la réponse. Delay. OK, la prononciation n'était pas là pour le c'est ouais. Intéressant. Ouais. C'est... Je me trouve lourd, les gars. Ouais, nous aussi. C'est pas vrai. On fait une bonne équipe aujourd'hui. On fait une très bonne équipe. Vous êtes beau. Merci. Au moins. Bref, c'est donc sur leur premier album, qui est leur seul album présentement, intitulé également Palms, c'est des pièces longues, il y en a six, et c'est un album d'environ 45-46 minutes. Wow. C'est des pièces longues et planantes surtout, avec des structures quand même un peu répétitives. La voix de Chino Marino donne des frissons, là, carrément. Là. C'est vraiment incroyable le travail qu'il a fait en arrière de ça. Et je trouve que sa voix fit beaucoup avec le style justement plus post-rock, post-metal. Ça fit très, très bien. Et c'est drôle parce que c'est des chansons qui ont une lourdeur légère. Hmm? Je sais, vous essayerez de voir, c'est peut-être moi qui fabule. Un peu comme la Guinness. Oui, en fait, c'est un très bon exemple, effectivement. Ouais. Tu sais que tu t'attends à une grosse bière chargée, ce qui est un peu le cas, mais en même temps, non. Il y a une légèreté. Vu l'azote, vu le côté très crémeux, mais ça fait que c'est très léger. Mais c'est quoi la différence entre une lourdeur légère et une légèreté lourde? J'ai pas tombé sur une légèreté lourde, moi, je te dirais, tout ce qui est slowcore. Mettons, le groupe Low, entre autres, qui est très, très, très minimaliste comme musique. C'est vraiment c'est de la guitare, de la voix, un peu de piano, de la batterie très, très, très légère. C'est tout. Mais leur musique est quand même... Il y a de quoi de lourd là-dedans. Bonne réponse. Mm-hmm. Ah, phew. Ça. Question piège. Piège. Inutile, mais... Tu me fais suer un matin. Non, mais je travaille fort, là, les gars. Je travaille très fort. Donc, c'est ça, c'est une lourdeur qui est légère. Vous allez voir, c'est vraiment très particulier comme effet. Très bien réalisé comme musique. Est-ce que l'album est génial? Non, pas nécessairement, mais c'est un très bon album que j'ai apprécié énormément. Je l'en parle ce matin dans le cadre d'une étude, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça nécessairement étudier avec la musique instrumentale. Il y en a qui peuvent étudier avec la musique avec des pourvus de paroles, et ça les dérange pas vraiment. Puis je trouvais que ça pouvait nous mettre dans une espèce de mood, comment je dirais, le matin très tôt, là, j'écouterais ça. OK. Fait que, mettons, pour cette chronique-là qui va être diffusée demain matin entre 6h30 et 7h30, ça va fixer. C'est un bon moment. Oui, c'est un très, très bon moment, effectivement. Good. Et vu, c'est beaucoup aussi le rythme est, somme toute, très lent dans la musique. Puis, l'accroche est beaucoup dans la voix, mais pour le reste, autour, c'est plus ou moins accrocheur. Ça va souvent voler un peu, le planer dans la musique. Donc, c'est pour ça que je le suggère ce matin. Et j'ai fait le test, voir travailler avec du palms dans les oreilles. Et ça travaille très bien. Ça n'a jamais autant étudié que depuis que tu fais cette chronique-là d'études, parce qu'il faut que tu le testes. Ben, c'est ça. Là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'étudie aujourd'hui? Tiens, je vais étudier les notes de ma copine. Puis là, Même pas pour un cours que tu as toi-même. Pas tout. Ben, j'en ai un. C'est... Les cours à maîtrise, ça tombe très relatif. Ouais. C'est assez étonnant. Oui. est-ce que tu suggères cette musique-là quand tu vas faire de la plongée? Puis là, tu mets ton tuba, puis tes palmes. Oui. Mais... tes palmes. Elle est excellente. Oui, mais ça faisait 15 minutes qu'elle travaillait dans sa chose. Je t'ai pris elle. Les autres pas bonnes, c'était genre juste pour dire, oh, ils vont s'attendre à quelque chose. Oui, c'est ça. Tu mets la barre ben basse. Oui, c'est ça. Après ça, punch! C'est exactement ma technique en impro. Oui. Mais c'est drôle d'en parler parce que oui, en fait, ça fitterait vraiment, vraiment beaucoup dans le sous-marin. Là, ça fitterait beaucoup. Puis, pas le sous-marin. Douce pas. Non. C'est pas cette chanson-là qu'on s'en va entendre. Non. Surtout pas. Mais il faudrait essayer de faire un remix à un moment donné. Il y a sûrement déjà ça. Oui, on va chercher ça. Okay. Parfait, on cherche ça. Et moi, j'ai un ami qui m'a fait découvrir le groupe qui, lui, l'a écouté cet été sur une plage en relaxant. Juste avec ses écouteurs. Puis il paraît que ça fit aussi très bien. Donc, c'est une musique qui peut... j'ai l'impression que ça va être beaucoup selon ton interprétation de la musique que tu vas pouvoir le faire fitter dans un scénario X. Cool. Parce que moi, honnêtement, sur la plage, je trouvais ça un peu particulier, mais... Coudonc, hein? Ben, à chacun ses spots. À chacun ses spots. Et la chanson qu'on va aller entendre, cher Mathieu, dure quand même 7 minutes, à peu près. 7 minutes et demie. 8 minutes presque. On va aller entendre, dans le fond, la première chanson qui ouvre l'album, c'est Future Warrior, donc le guerrier du futur du groupe Palms, de l'album du même nom. On écoute ça! Je peux pas croire! Ok. C'est pas ça, hein, Palms? C'est pas ça. Ça ressemble un peu, mais... Non. Alors, c'était ça, Palms. C'est wow. Bon, hein? Oui. Hein? Moi, j'ai aimé ça. Comme fond, non? Non. Ça marche pas comme fond. Ah, c'est un remix? Mais ça, c'est un remix? Wow! Tu pensais que j'avais pas trouvé un remix de 112 pouces 5 Yo, DJ! Crank that shit up! OK, bon. Donc, c'était Palms, le nom du groupe. C'était Palms. Voilà avec la chanson Future Warrior, qui est une excellente chanson sur l'album et qui vous donne un bon exemple de tout ce que l'album est, en fait. Donc, c'est pas la première est bizarre, puis le reste, c'est... Non, c'est ça. C'est ça, si vous avez aimé ça, allez écouter l'album. Très, très, très bon. Vraiment, ben, très, très bon. Pas excellent, comme j'ai dit encore une fois, mais très bon. Vraiment bien, bien fait par les gars. Puis voilà, pour vous pour étudier, puis même juste pour... se promener avec un coucher de soleil en char. C'est beaucoup de scénarios quand même assez véridiques. Ben, le tranche de vie, finalement. Ben, tu vois, moi, le coucher de soleil en char, moi, j'y crois plus qu'en après-midi sur la plage. Mais c'est selon la personne. C'est très, très, très relatif à la personne. Jean-René me dit que... Jean-René. Jean-Philippe. Wow, mais c'est un beau compliment. Oui, c'est un beau compliment. Pour Jean-René. Pour Jean-René, ben oui. Salut Jean-Philippe. Salut, ça va? Ça va bien? Oui, toi? Je m'appelle Maxime. Moi, c'est Jean-Philippe. OK. Jean-Philippe me disait tantôt qu'il voulait le faire, l'écouter dans son bain, tu sais, fait que c'est vraiment... En te faisant les ongles. En te faisant les ongles, ouais. Et en te frottant la palme du pied. Oh, c'est vrai que les pieds ont aussi une paume, hein? Oui. Est-ce que tu nous fais entendre une deuxième pièce ou... Elles sont tous très longues, donc je sais pas si ça rentre dans votre plage. Je pense pas que ça rentre dans votre plage. Non, bon. Ben, c'est pas vous autres, là, mais... Je sais pas. Moi, je me sentais mal de juste faire jouer une chanson dans ta chronique. Hein? Ben non, mais c'est une très longue chanson. Est-ce qu'on en cherche une courte? On peut se magasiner une pièce courte, si tu veux. T'sais, moi, je partais pour ça. 6,56, c'est pas si pire. 5,44, ça aurait du sens. Ben, 5,44, c'est la plus courte. Bon, ben, allons-y avec ça, hein. Ça te tente. Là, faut que je me rappelle le nom de cette chanson-là. Ben, je vais te le dire. Moi, je suis de service, puis on a dit tantôt que plus tu fais de petits services, la personne t'aime plus quand c'est petit service, quand tu lui offres des petits services. Ah. Je pense que c'est le contraire. Il fallait que tu me demandes des petits services, puis que je t'aime plus. En tout cas. Donc, voici Tropics. Ah, Tropics, voilà. C'est peut-être pour ça que Copain trouvait ça bien le fun d'écouter ça sur la plage. Tropics. Ben, Tropics. Juge en comment? On va en juger par nous-mêmes. Voilà. Je pensais faire un jeu de mots de yoga. Je sais que c'est des yogos aussi, Tropixes. Ah oui. Yup, Tropixes. Non. 12 pas. 5. OK. Hey. Dreams et la pièce Tropics. Est-ce que ça vous a donné le goût d'aller prendre un petit pina colada sur le bord de l'eau? Je dois t'avouer que je serais pas fan non plus d'écouter ça. Je vais parler de plus en plus fort, moi aussi. Écouter ça sur la plage. Avez-vous Limbo? Oui. Limbo! Hey, c'est super technique, mais avez-vous entendu le son de la batterie en arrière? Juste le petit... C'est un son qui est très, très... qui est pas modifié. C'est vraiment le son direct du... Puis c'est ça le son post-metal que je vous disais. OK. Qui est très intéressant. Ben, c'est bon. Oui, c'est bon, mais pas sa plage. Non. Moi, je suis d'accord avec le pas de plage. Ouais, chacun non, sa pas, place. Pas de temps, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. M'a l'appelé, m'a dit qu'il est bizarre. Ouais. On te remercie beaucoup, Maxime Taguier. Hey, merci à vous. Et on te retrouve la semaine prochaine. C'est lundi à 9h pour notre chronique. J'ai-tu le temps pour une chronique? Oh, yeah. Oh, que oui. Nous, bon, on va devoir finir l'émission ici, à peine en retard, là. À peine. L'émission, gars. C'est fini. Oui, c'est fini. Fait qu'il faut accepter le fait que c'est fini. On remercie Laurent Constantin, Maxime Tanguay, Élodie Mongrain. Oui. Elle est assez fine, elle. Vraiment, elle est drôle. Demain, l'émission, Marie-Laurence Audet et sa collègue Loisir. Elle va être de retour parmi nous. Ensuite, Anne-Julie Durocher qui va venir partager quelque chose avec nous dans son segment L'Index d'Anne-Julie. Alexandre Carignan va nous présenter sa collègue d'art et spectacle Temps d'une culture. Et on va accueillir un nouveau chroniqueur, Mathieu Roy. Et le retour de la chronique AGEQTR. Wow! Ça va être chargé. Grosse émission, 4 chroniqueurs demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez là, parce que dans quelques instants, plus tard aujourd'hui, en fait à 11h, ça va être le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est les filles des précieuses ridicules. Ensuite, à 17h, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour les Palmarès Sifu édition New Shit. À 19h, c'est le voyage insolite et à 20h, Rock de Neurone, Sifu.ca et assemblagerequis.com sont nos deux destinations web. Préféré. Oui, sur l'autoroute de l'information. Voilà. Fait que c'est ça, on se quitte là-dessus, puis on se dit à demain. À demain. Ah oui. Bye.